Eh ben, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Autour du Feu, votre podcast hebdomadaire qui analyse chaque épisode de votre jeu préféré, Koh-Lanta, la saison 20 intitulée La guerre des chefs. Et avec moi aujourd'hui, des intervenants de premier choix de qualité pour un épisode du même acabit. Tout simplement, on a adoré cet épisode. Sans plus attendre, passons à la présentation de nos intervenants, mon fidèle associé, mon fidèle camarade du début, Damien. Salut Pancaster, comment ça va? Bah écoute, très bien. Est-ce que t'es ravi de ton nouveau métier de compositeur de générique? De compositeur bruit de bouche, ah bah ça va, je suis multicarte, moi je suis un homme orchestre, ça me fait pas peur. Ravi de voir que tu arrives à avoir plusieurs tâches, c'est important dans la Startup Nation. Avec nous, Voilà. également, il revient, c'est le fondateur de Big Forum, j'ai nommé Felouz. Salut! Salut Pancaster, salut tout le monde, bah, je suis encore content d'être là. Et puis bah j'ai hâte de parler de l'épisode. Avec nous également, elle a été aussi dans d'anciens épisodes d'Autour du Feu, j'ai nommé Griffith. Salut Griffith! Salut à tous, je suis ravie de participer à cet épisode, surtout que c'est un épisode historique dans l'histoire de Koh-Lanta, donc j'ai hâte. Et enfin, comme à chaque semaine, il y a toujours au moins un nouveau. Et ce nouveau aujourd'hui, c'est alors. Il a déjà joué hein, à des ORG, par-ci par-là, Thomas Gorg, où il a fini troisième. Il vient pour la première fois parler sur Autour du Feu. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Paul Alex 99. Salut Paul! Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir. Et bah, j'espère être au niveau de mes chers camarades. Il y a énormément de choses à dire. Tout simplement parce que Griffiths l'a dit, cet épisode est historique dans l'épisode de l'histoire de Koh-Lanta, tout simplement parce que on a eu droit à un virage à 360 degrés dans la réalisation du programme. Et je vous demandais un peu vos réactions à chaud là-dessus. Donc, qu'est-ce que la production a eu comme idée qui lui est passée par la tête pour avoir un retournement de situation de cet ordre-là? Et est-ce que vous pensez, vous aussi, que cet épisode est très important, voire même historique? Qui veut commencer? J'ai envie de dire, putain, enfin, ça y est, on y est. On sait maintenant qu'on va pouvoir enfin jouer le jeu. Je parle même pas de stratégie ni rien, parce que ça, on s'en fout. Mais ne serait-ce que jouer le jeu et que le jeu va enfin être montré. Moi, ça fait 12 ans que j'ai créé Big. Et il y a 12 ans en arrière, je me voyais 12 ans en arrière, jamais j'aurais imaginé qu'un jour Koh-Lanta aille aussi loin dans le jeu. Donc moi, personnellement, je tiens vraiment à remercier les monteurs, parce que je pense que c'est grâce aux monteurs qu'on a eu enfin, il y a le casting aussi, mais les monteurs aussi qui ont vraiment fait un travail d'orfèvre depuis le début de la saison, qui nous ont préparé tout ça de manière magistrale. J'ai aussi envie de revenir à ce qui a fait que pourquoi on n'a pas vu de jeu dans Koh-Lanta depuis, du moins de ce niveau-là de jeu depuis si longtemps. On va revenir à la saison 5. Le premier épisode de la saison 5, les jaunes, donc qui étaient les jeunes, se mettent d'accord pour sortir Aude de Koh-Lanta. La production intervient et dit, c'est interdit de se mettre d'accord comme ça, vous devez vous voter en votre âme et conscience, et décide de faire encore un autre vote, pour cette fois-ci sortir Mathieu, alors que Mathieu était plus ou moins l'instigateur du vote contre Aude. Voilà pourquoi, pendant tant d'années, nous n'avons pas vu de jeu dans Koh-Lanta, non pas parce que les gens ne jouaient pas, parce que c'est faux, mais c'est parce que déjà, ça n'intéressait pas la production. Ensuite, parce que les gens n'osaient pas jouer, parce que c'était mal vu de jouer le jeu, ne serait-ce que jouer le jeu. Je ne parle pas de mérite, de stratégie, nous y reviendrons plus tard. Mais ne serait-ce que jouer le jeu était mal vu, était mal perçu, donc les gens préféraient se laisser tuer ou du moins ne pas aller dans certains aspects du jeu. Et maintenant, c'est révolu. Il va y avoir du jeu dans Koh-Lanta. Il y en avait eu avant, mais là, c'est confirmé avec cet épisode-là. Et oui, c'est un épisode historique. Ben merci à toi, c'était très complet et on peut difficilement aller en contradiction avec ça, même si Massalia a rajouté un petit point sur le chat en disant qu'on ne voit pas la strat, notamment de Béa et de Max dans cet épisode-là, et qui aurait peut-être dû être montrée pour un peu ben justement casser un peu les images préconçues de certains aventuriers. Voilà. Ça, on va y revenir plus tard parce que pour moi, ils n'ont pas montré tout par rapport à Béatrice parce que l'épisode, il était tellement vaste, tellement, il y avait tellement de choses à montrer, il y avait tellement de storylines à montrer que je pense qu'ils l'ont pas montré parce que ça aurait rajouté encore une autre information. Je suis pas persuadée que ça a pas été montré pour des raisons forcément de camoufler le personnage de Béatrice. Ça peut l'être. Je suis pas persuadée que ça a été fait de manière à camoufler Béatrice. Ça, c'est mon point de vue à ce niveau-là. Ensuite, pour l'épisode en lui-même, clairement, Felouz l'a bien dit, la production a fait un travail de malade. En fait, cet épisode, c'est l'apogée, c'est le paroxysme au sujet de ce qui s'est passé justement dans cet épisode. Ils ont vraiment cherché à construire chaque petit élément pour que ça puisse être l'épisode où tout se passe. C'est leur meilleure saison production. Je saurais pas dire si ce sera la meilleure saison de Koh-Lanta, c'est trop anticipé. Mais en termes de production, il n'y a pas de comparaison. Ils ont mis un travail de malade. Je ne sais pas si le fait qu'il n'y ait pas eu de saison avant un certain temps les a poussés à revenir sur la construction même du jeu, mais en termes de construction de leur part, je trouve que le travail fait est vraiment, on dirait une série, lui. Ok, bah, t'es très complet également. Damien, Paul, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez rajouter, par exemple? Ce qu'ils ont dit était très complet. Après, c'est sûr que la stratégie avant, elle était très mal vue. Maintenant, elle est peut-être un peu mieux vue. Et donc, ça peut changer les mentalités. Après, c'est un très bon casting. Donc, au début, on était un peu hésitant vu que c'était presque que des sportifs. Là, je pense qu'on a eu une bonne surprise. Et ça s'annonce bien pour la suite, avec de nombreux retournements, je pense. Et aussi, pour revenir au montage... je pense que la production a fait en sorte de laisser beaucoup de suspense. C'est pour ça qu'on voyait pas toutes les stratégies, notamment celle de Béatrice. Pour créer un peu une illusion de sûreté pour Béatrice, qui au final se fait ramasser par 8 votes au conseil, quoi. De mon côté, je me demande justement si Alexia Laroche-Joubert, donc d'ALP, n'a pas pris justement la pleine mesure vraiment de ce qu'était le jeu, de ce qu'était Koh-Lanta. C'est qu'au départ, je pense qu'elle était arrivée, je crois qu'elle a repris ALP en 2016, si mes souvenirs sont exacts. Oui. Au départ, je pense qu'elle s'était conformée à l'idée qu'elle se faisait de l'émission, et petit à petit je pense qu'avec des conseillers, avec des gens aussi, avec le fait de regarder des versions étrangères, sa vision du jeu s'est affinée. Il y a moins de twists dans tous les sens, qui veut rien dire. Est-ce qu'on peut pas dire pour une fois merci Alexia Laroche-Joubert et les gens qui l'accompagnent? Épisode vraiment là exceptionnel, où il y avait du jeu avec des bons candidats, avec Béatrice qui se fait éliminer. Si Télé 7 jours nous avait pas spoilé, Ça aurait été un épisode encore plus fantastique. Toute la saison amène à cet épisode-là. Franchement, tout est fait en sorte pour nous dire, maintenant les mecs, on a compris. La stratégie, ok, ça fait partie du jeu. Enfin, bon, j'aime pas dire ça parce que j'ai plutôt envie de dire le jeu, ça fait partie du jeu. Il faut arrêter de juger les gens parce qu'ils ont envie de survivre au jeu. Exactement. Et la production a enfin compris ça. Et c'est pas uniquement les mecs qui sont forts en survie campement, qui sont forts dans les épreuves, qui ont le droit à avoir un montage exceptionnel, etc., etc. Je m'attendais pas à dire ça un jour, mais je reprends la phrase de Damien. Merci Alexia Laroche-Joubert pour cette production de qualité. Je m'attendais vraiment pas à dire ça un jour, mais bon. Bah oui. Il faut le dire quand merci la production. Moi c'est pareil, je critiquais énormément la production à raison. Mais là, il faut reconnaître, quand les choses sont bien, il faut le dire aussi. Exactement. Moi, c'est pour ça que j'ai envoyé un message sur Twitter à ALP pour les féliciter, parce que c'est vrai, ils ont fait un très bon travail. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre chose qui est à noter, c'est que ALP fait un très bon travail pour aussi déradicaliser les véhémences envers la stratégie, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est le prochain point sur lequel nous allons débattre, c'est vraiment le pouvoir des réseaux sociaux sur le jeu-là. Non pas les réseaux sociaux qui influencent ALP, comme on aurait pu le voir dans les anciennes saisons, mais là, ALP qui présente un programme qui va sur lequel les réseaux sociaux vont s'adapter. Parce que à l'époque, on avait surtout l'habitude de voir des réseaux sociaux qui sont anti-stratégie à fond, où les fans les plus groupies, on va dire, soutiennent les personnages qui savent faire du feu et des cabanes. Et là, bizarrement, alors, c'était pas non plus le paradis, hein, mais à la suite de l'émission de Béatrice, il y avait vraiment à boire et à manger. C'est-à-dire qu'on a eu énormément de réactions positives à l'élimination de Béatrice, non pas parce que les gens la détestaient, mais parce que l'épisode avait été très bien monté et que les gens disaient bien que c'était pour ça qu'ils aimaient Koh-Lanta, mais c'est quelque chose qu'on n'aurait pas lu avant. Ce n'est pas une réaction normale, naturelle. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux se sont adaptés à la stratégie donnée, enfin au jeu donné par ALP? Est-ce que vous pensez que ça va durer, ou est-ce que... au final, les opinions brutes des gens sur les réseaux sociaux vont survivre à la nouvelle, au nouveau montage des épisodes de Koh-Lanta? Moi, je trouve que on voit clairement, en ce qui concerne la production, qu'ils ont compris à quel point les réseaux sociaux étaient importants et à quel point il fallait suivre le fait de faire vivre une émission par cela. Ils ont vu dans les saisons passées que ça parlait énormément. En bien comme en mal, mais ça parlait beaucoup, ça faisait vivre, ça créait une certaine communauté, ça, ça faisait parler de leur émission, ils ont compris l'intérêt de ça. Et dans cette saison, on voit clairement à quel point les réseaux sociaux sont actifs, comme tu as dit, en bien et en mal, et c'est super. Et à mon sens, ça va continuer comme ça, il n'y a aucune raison pour que ça cesse. Je pense même que ça va être amplifié, il y a des chances pour qu'ils permettent aux réseaux sociaux de encore plus grossir à mon sens. Je trouve vraiment ça super intéressant. On a vu aussi des réactions de candidats, d'anciens candidats qui sont assez intéressantes. Je vais pas anticiper là-dessus, mais en tout cas, les réseaux sociaux, pour moi, il y a eu un tournant de la même façon. Il y a eu un tournant, on a vu des gens qui sont censés être, entre guillemets, des bisounours, qui soutiennent au final la stratégie et qui voient que le show est tellement bon, en fait, le show est tellement réussi qu'ils ne peuvent pas dire « oui, mais un tel est trop méritant pour partir ». C'est la qualité du show fait qui vont au-delà de ça. Pas tous, évidemment, mais la qualité est telle que tu ne peux pas juste condamner à 100% le show si tu es un minimum objectif. Il y a Valentin qui ajoute un point en plus. Et il estime que avec ce qui est arrivé à Clémentine ou Ravière dans les dernières saisons sur les réseaux sociaux, donc harcèlement, menace de mort, tout ça, peut-être qu'aussi la prod a réfléchi un peu à protéger son casting, leur candidat, pour avoir encore des candidatures d'envoyer, parce que je pense que ça a dû en refroidir plus d'un que de voir que des personnes comme Clémentine ou Ravière, juste parce qu'ils ont joué, se sont fait totalement défoncer, ont reçu des menaces juste pour avoir joué un jeu. Et peut-être que la prod aussi cherche à protéger un peu son casting, tout simplement. Alors que, de l'autre côté, Katia Vioc, donc intervenant d'Autour du Feu, pense que les gens n'ont pas changé d'avis, qu'ils regrettent toujours les anciens Koh-Lanta, qu'ils critiquent les nouveaux Koh-Lanta, que c'était mieux avant, tout ça. C'est pour moi, voilà, c'est Scat qui dit ça. Je suis pas spécialement d'accord, parce que c'est toujours les mêmes qu'on entend pleurnicher, mais j'ai l'impression qu'ils sont de moins en moins. Et après, ça dépend du réseau social. C'est sûr que si tu vas sur Facebook, qui, comme dit Freeze, est un peu le réseau social du tonton raciste, bon, là, oui... Oui, effectivement, il y aura de la pleurniche dans tous les sens, mais Twitter et Instagram sont globalement assez positifs, et comme tu dis, il y a à boire et à manger, il y a des dans les deux côtés, et pour te dire, même un candidat comme Alban, on parle d'Alban, est-ce qu'il dit vrai ou pas? Il dit ça y est, il dit j'ai mis le temps avant de comprendre le jeu. Donc voilà, ça veut dire que voilà, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent quoi. C'est après, voilà, c'est ironique. Moi, j'ai envie de dire que les réseaux sociaux, enfin, pas les réseaux sociaux, mais du moins le public qui s'exprime, ressemble finalement à ce qu'on voit dans Koh-Lanta. Ça veut dire, t'as les fans de stratégie, t'as les fans de mérite, t'as les fans de tout ça qui s'entrecroisent, t'as les gens qui vont aller plus vers une humanité. Il y en a d'autres qui vont être vraiment, non, non, c'est le mérite qui prime, etc., etc. Il y en a d'autres qui vont être, non, non, moi, c'est la stratégie et tout. Et finalement, en fait, tout ce petit monde a raison. Chacun a raison à son niveau, en fait, à son niveau, et c'est comme dans le jeu, chacun a raison à son niveau. Personne ne dit que Koh-Lanta doit être uniquement un jeu de stratégie. Personne ne dit que Koh-Lanta doit être uniquement un jeu de mérite. Et personne ne dit que Koh-Lanta doit être uniquement un jeu où les valeurs humaines doivent être... Déjà, il faudrait définir les valeurs humaines, parce que les valeurs humaines, tu as des valeurs certes positives, mais c'est aussi des valeurs très négatives qui sont quand même des valeurs humaines. Donc, je veux dire, tout ça, ça forme Koh-Lanta, et ça forme aussi, donc, ce qu'on voit dans le public qui s'exprime. Voilà, tout simplement, moi, ce que je voulais quand j'ai créé Big, c'était tout simplement que la stratégie et le social game aient une place, et enfin une place que les gens qui veulent jouer comme ça, au lieu de se laisser mourir parce qu'ils vont être ensuite critiqués par le public, ou ils vont être mal vus, ils vont perdre leur emploi, etc., etc., parce que ça s'est vu dans Koh-Lanta, des gens qui avaient joué d'une certaine manière, qui ensuite avaient perdu leur emploi, parce que pour X raisons. Voilà où, jusqu'où on en était arrivé. Donc tout ça, normalement, ne doit pas exister, ça reste un jeu. Certes, il y a des gens, c'est des pourritures qui jouent. Ok, il y a des gens, c'est des pourritures qui jouent. Mais c'est pas pour ça qu'ils doivent se prendre tout un public sur la gueule non plus. Certes, le karma les fait payer d'une manière ou d'une autre, mais il faut aussi quand même un petit peu de mesure et un petit peu de comprendre que tout ça n'est qu'un jeu au final. Alors certes, après, on peut critiquer et tout, pas de souci. Mais au moins, maintenant, enfin, il y a sa place dans le truc, et voilà. Mais c'est l'exemple de Cédric. Hein. Je vais juste dire qu'avant, la stratégie était très mal vue, mais surtout sur le montage. Et du coup, les gens s'adaptent un peu à la vision du montage, et donc sont souvent de l'avis du montage. C'est pour ça que là, la stratégie est un peu mieux vue, on va dire. C'est pour ça qu'il y a moins de critiques sur la stratégie. T'as raison, c'est parce qu'avant, le montage était biaisé pour dévaloriser les gens qui faisaient beaucoup de stratégie. Le montage est, entre guillemets, plus neutre, on a aussi valorisé les gens très sportifs, on les a aussi valorisés, on valorise les deux de manière plus objective. Donc, ça permet d'avoir les deux bouts qui s'expriment. Donc, oui, je suis totalement d'accord. Mais c'est ça, mais après, c'est un peu comme nous quand on regarde le jeu. Les personnes qui ne font aucune strat ou qu'on montre ne faisant aucune strat, on ne va pas forcément les apprécier. Et nous qui sommes plutôt fans de strat au final, fans de jeu, on va dire, de jeu tactique, on va plutôt privilégier les personnes qui vont avoir du temps d'antenne où ils disent clairement qu'ils sont joueurs, tu vois. Et du coup, bah, on est tous un peu aussi suiveurs du montage, ce qui est logique. On juge avec ce qu'on a, hein, ça me paraît logique. Mais le fait est que ALP, qui prend, on va dire, un parti qui prend aucun parti justement, qui ne biaise pas certaines parties du jeu, ça permet de mieux apprécier une saison et il y aura moins d'ambiance vraiment insupportable sur les réseaux sociaux. Moi, je suis souvent sur Twitter et c'est vrai que des fois, c'était assez lourd. Quand tu cliquais sur Koh-Lanta et que t'avais, alors c'est encore lourd aujourd'hui, hein, avec les 15 mecs qui font les mêmes blagues sur Yves, moi c'est ma spécialité, ou les trucs avec Clémentine. C'est les gens qui disent on regrette Freddy, Grégoire, Théora, toujours les mêmes. Enfin voilà, c'est changer de disque un petit peu quoi. Ça représente bien la société, donc c'est assez juste qu'on ait ce type de personnes qui commentent. Moi ça me dérange pas du tout parce que ça fait partie du truc. Ça fait limite partie pour moi. Du charme des commentaires qu'on va lire, on sait que ces personnes-là vont radoter et on sait que ces personnes-là vont toujours être déçues de la même chose et qu'ils vont parler pendant je sais pas combien de temps de trucs qu'on a déjà vus, mais ça fait partie pour moi du folklore de Koh-Lanta. Et oui. Malgré ça, ils vont quand même continuer de regarder Koh-Lanta chaque vendredi soir. Voilà. C'est pas faux ça, oui. Après, c'est une bonne chose parce que ça peut permettre d'avoir des visions différentes de Koh-Lanta et donc ouvrir un peu plus à tout le monde. Ouais, mais quand t'entends par exemple c'était mieux avant la survie était plus dure, alors tu sais que dans la première saison ils avaient beaucoup plus d'objets de survie et de nourriture au début du jeu. C'est quand ils disent avant c'était mieux, je pense qu'ils parlent surtout de la période un petit peu où Koh-Lanta avait les meilleures audiences de son histoire, c'est-à-dire la période on va dire 2005-2012. Pour moi, genre les premières saisons, personne ne s'en rappelle quasiment à part nous qui sommes des fans, mais les saisons qui ont vraiment marqué, c'était celle avec Raphaël, avec Mohamed, avec comme ça ce mal alpha que l'on voyait souvent, et du coup je pense que quand ils regrettent une époque, c'est cette époque-là justement. Ouais, c'est ça, c'est de l'époque, bah oui, ça, de Mohamed à Théoura, quoi, hein, tout simplement. C'était pendant les vacances, t'avais une saison par an, et ça faisait des scores d'audience énormes, parce que t'avais pas toutes ces chaînes de télé, ni Internet qui n'étaient pas aussi développées, donc forcément c'était un peu le programme du vendredi soir, et tout le monde regardait, quoi. On parlait de réseaux sociaux, donc le social. Cet épisode-là aussi, on a pu voir deux personnes s'illustrer dans ce domaine-là, dans le domaine social. Comment ils ont réussi un peu à retourner leur monde pour arriver à leur fin. Alors, c'est Cyril et Cindy, avec donc la puissance du jeu social et émotionnel. Et c'est vrai que ces deux personnes-là ont réussi à faire quelque chose quand même d'assez fort. Retourner une équipe pour éliminer une personne qui n'était pas censée être éliminée à ce moment-là. Et du coup, j'aimerais bien avoir vos avis. Donc, Cyril, Cindy ou peut-être d'autres candidats qui vous ont marqué. Est-ce que vous pensez que le fait qu'ils aient réussi à retourner les candidats pour voter contre Béatrice est lié à leur social? Alors oui, on peut parler de Cyril. Donc on peut voir qu'il parle avec tout le monde sur le camp. Il rend service aussi, il est utile sur le camp. Donc on sent qu'il a envie de s'intégrer avec tout le monde. Et donc c'est un peu le centre des candidats. Et puis du coup, ça lui permet d'avoir aussi une vision d'ensemble sur le jeu. Et son duo solide avec Maud, je pense que c'est très important. Parce qu'il est toujours important d'avoir un allié fort. Et c'est pour ça que je pense que les deux ne se trahiront jamais. Après, il y a aussi Cindy. Elle fait genre d'être naïve. Elle veut être maître de son destin. Et aussi, elle a une vision un peu stratégique où elle a pas envie d'être vue comme un pion, notamment aux yeux de Maxime. Bah, c'est l'opinion que partagent Julia, Juju, Massalia, Cerse sur le chat. C'est qu'en gros, que Cyril a le meilleur social toute la saison, comme dit Valentin aussi. Shkat est plus pour Cindy. Julia pense que Cindy a vraiment bien mis la pression à Maxime. D'ailleurs, faut en reparler ça là-dessus. Est-ce que quelqu'un veut justement détailler un petit peu ce qui s'est passé avec ce moment-là entre Cindy et Maxime? Dans le cas du jeu social de Cyril, il a un jeu social exceptionnel parce que c'est un jeu social où il ne cherche pas à aller parler, à contrôler dans tous les sens. C'est pas ça qu'il fait. Il se rend tellement sympathique, tellement agréable qu'il devient le confident universel de tous. Il devient la personne à qui on a envie de dire « Ah, mais mon aventure, ça va pas trop. » Je sens pas telle chose, je sens pas l'avenir. Je vais lui parler à lui. C'est la personne idéale à qui tu vas te confier et à qui tu vas pouvoir parler de tes doutes. Cyril, la force de son jeu social, c'est qu'il se rend tellement... il arrive à incarner l'image de la personne à qui on veut parler. Il est idéal. On oublie que c'est un joueur. Donc voilà, pour moi, sur Cyril, sa force, elle est là. Et il n'y a personne qui a réussi à faire ça à ce niveau-là dans Koh-Lanta. Je suis complètement d'accord avec Griffiths. Je veux dire, c'est que justement, c'est Cyril ne cherche pas à forcer. Il ne force pas, il se contente d'être là, d'être souriant, d'aider les gens avec sa petite infusion. Il discute avec les gens, c'est quelqu'un qui va être plutôt malléable. Par exemple, une Maude, on l'avait vu qu'avait agacé un petit peu Béatrice parce que elle, pour le coup, elle était vraiment dans le sens battante où vraiment elle en parlait tout le temps et ça pouvait agacer. Pour parler de Cindy, donc très intelligente, et je pense que la plus grande force de Cindy, c'est qu'elle ne se prend pas au sérieux. Dans Koh-Lanta, souvent les candidats se prennent beaucoup au sérieux. Ils veulent prouver des choses à leur famille. Ils peuvent prouver qu'ils méritent. Ils veulent prouver ceci, cela. Cindy n'a rien à prouver. Cindy s'en fiche de prouver. Cindy, elle veut juste jouer son jeu. Elle a du recul. Et elle le dit dans une interview qui est parue dans 20 minutes qu'on a partagé sur le Twitter d'ailleurs, qui est une très très bonne interview. Elle le dit. Tout le monde était très premier degré. Tout le monde était à fond. Mais Cindy, c'est sa plus grande force. On a deux personnes au bon sens qui étaient dans des positions minoritaires qui se sont alliés et qui avaient et le recul et l'intelligence nécessaires pour pouvoir tenter un move et tenter d'influencer un petit peu le petit monde qu'ils avaient autour d'eux. Cyril et Cindy, ils ont compris le jeu, on parle du social, ils ont compris aussi le jeu stratégique, le timing. Le timing est très important dans le social. Pour moi, le social, si je devais définir à ma vision de moi du social, je dis pas que c'est la vraie vision, mais du moins ma vision à moi, c'est une question de timing, c'est une question de bien faire les choses avec les mots qu'il faut avoir au bon moment. Moi, j'ai envie de revenir dans une scène de Koh-Lanta qui est une scène finalement qui est passée un petit peu inaperçue, j'ai l'impression. C'est une scène avec entre Cyril et Sophie. Et d'ailleurs, je me suis dit, putain, Sophie existe et Sophie est en train de penser au jeu. Dans cette scène-là, on voit les deux donc en train de parler et on voit évidemment le social magistral de Cyril, puisqu'elle dit, mais moi, j'ai pas envie que tu partes, je t'aime bien, etc., etc. Je veux que tu restes dans l'aventure. Crois-moi, tu n'es pas forcément en danger. Il y a d'autres gens que je veux faire partir. Et là, Cyril, intelligemment, il dit logiquement, il donne des bleus en pâture. Donc, il dit Brice et Maxime. Brice et Maxime étant certainement les personnages que voudrait voir Cyril partir chez les bleus. Et c'est normal puisque Maxime est un excellent joueur. Brice, on l'a vu, on va y revenir, est bon aussi. Et donc, là, elle lui dit, ah, mais non, mais pas du tout. Et donc, elle donne des gens de sa tribu. Donc, Nicolas et Angélique, puisqu'elle dit, ouais, Nicolas, il fait rien. Et Angélique, elle commence à gaver un peu tout le monde, etc., etc. Et là, Cyril, il chope les informations. Il a toutes ces informations-là. En 5 minutes, il a chopé des informations capitales. Des informations que beaucoup de gens dans la situation de Cyril rêverait d'avoir et ferait tout pour avoir. J'imagine Victor dans cette situation-là, il serait complètement fou. Il serait fou. Imaginez Victor à la place de Cyril. Il serait complètement dingue. Il serait dingue. Et ça n'aurait pas marché parce que ils auraient bloqué les infos, etc., etc. Mais Cyril, lui, on a envie de lui parler. C'est pas lui qui va voir les gens. C'est les gens qui vont le voir parce que ce mec-là incite la confiance, parce qu'il est gentil, parce que il fait rire les gens. Parce qu'il apporte des solutions concrètes sur l'île avec Maud, on les voit. C'est pas uniquement un joueur social, c'est un joueur exceptionnellement intelligent, socialement, émotionnellement, stratégiquement parlant. Et cette même intelligence, on la retrouve à un autre degré, dans un autre style, parce que Cindy n'est pas pareil. Mais chez Cindy, on retrouve aussi cette intelligence de jeu, à la fois stratégique et sociale. Pareil, pour elle, c'est une question de timing. Maintenant, la question serait de savoir qui a l'ascendant réel entre Cindy et Cyril dans leur relation. Moi, je pense que les deux s'aiment vraiment bien. Après, il y a des questions stratégiques qui rentrent dans le truc. On peut voir quand même que Cindy va voir naturellement Cyril. Cindy, c'est pareil, elle a un excellent social. Cindy a tout compris sur l'attente du timing. Donc, c'est alliance sociale et stratégique. Elle joue la conne. Pareil, j'aimerais aussi revenir sur une scène où on la voit jouer. Donc, elle le dit en confesse, elle dit « je joue la conne », elle le dit même à Cyril. Donc, elle dit à Cyril sa stratégie, c'est d'être conne. Imaginez quelqu'un qui dit ta stratégie à un mec comme Cyril. Tu vas donner ta stratégie comme ça à un mec comme Cyril. Donc, c'est bien que Cyril et Cindy, ils ont quand même un lien de confiance qui s'est développé. Mais sauf que Cyril, tout le monde lui dit tout. Mais ça montre encore une fois que Cindy attend le bon moment, qu'elle joue la conne, la scène où elle est dans l'eau et Maxime qui sort. Donc elle est avec quatre autres bleus, donc avec Claude, Brice, Maxime et elle-même. Et Maxime dit « Attention, faut faire attention que les Bleus restent pas trop ensemble. » Et là, elle dit « Ah oui, c'est vrai, de manière complètement teubée. » Ça m'a même pas fleuré l'esprit. Donc, les gens ne vont pas se méfier de Cindy. Donc, aussi encore, excellence sociale de sa part. Les gens ne se méfient pas, ne voient pas Cindy. C'est pas... Après, on va y revenir, mais c'est pareil. Si Maxime avait voulu bien jouer, il n'aurait pas viré Frédéric, mais Cindy. Cindy, c'est la personne qu'il fallait virer. Frédéric n'avait pas ce jeu-là. Dans le cas de Maxime qui a viré Frédéric, je ne suis pas totalement d'accord parce que Frédéric, on le sait, il aurait trahi Maxime dès qu'il aurait pu. Si son intérêt était de rester avec Maxime, elle serait restée avec Maxime sans aucun problème. Frédéric, je l'aurais plus vu trahir dès qu'il aurait eu une occasion. Cindy, pour moi, elle en avait vraiment rien à foutre. Peu importe le temps, elle prend tout ce qu'elle peut prendre. Elle n'est pas aussi anti-Maxime que Frédéric pour moi. Frédéric, il allait détruire Maxime dès qu'il aurait pu pour moi. Après, j'aurais aimé faire un parallèle entre le jeu social de Cindy et de Cyril et sur l'absence à côté de jeu social de Maxime et de Béatrice. Au final, quand on voit le jeu de Béatrice et de Maxime, les deux sont très stratégiques. Béatrice, elle tenait son équipe. Elle tenait son équipe jaune. Elle était bien placée dedans. À côté, elle a fait un lien avec Maxime. Maxime, c'est pareil dans sa perception. Il avait d'un côté des gens qui étaient solides avec lui chez les Bleus. Et ce qui était un fait, pour moi, Mohamed et Steve sont sincèrement avec lui. Donc, il avait des gens qui, les deux, ont une intelligence stratégique. Leur problème, c'est qu'ils ont pas de social. Au niveau du social, le plan de Maxime, il est super. Il fonctionne. Ce qu'il voulait fonctionne. Son jeu pouvait fonctionner. Ça pouvait fonctionner. Qu'est-ce qui pêche? Ce qui pêche, c'est le social. Ce qui pêche, c'est de traiter certains avec une certaine supériorité, de se montrer arrogant. Pour moi, son problème, c'est pas le fait qu'il gagne des épreuves, c'est qu'il n'arrive pas à être sincèrement impliqué dans les relations avec les autres. Il n'arrive pas à partager réellement avec eux. Béatrice, elle pêche par absence de profond social. Elle essaye. Elle a une forme de social, entre guillemets, de chair. Mais en termes de social pur, d'arriver à attiser la sympathie des gens, elle ne sait pas faire. C'est pour ça qu'elle s'est complètement effondrée dans cet épisode. Pourquoi les autres te garderaient si tu n'es pas sympathique? Il n'y a absolument aucune raison à garder quelqu'un d'extrêmement puissant, d'une puissance visible, si la personne n'est pas sympathique. Si Maxime et si Béatrice avaient dégagé une forme de chaleur humaine à ce niveau-là, aucun des deux ne serait parti. Béatrice aurait pu rester avec tout ce qu'elle a fait depuis le début du jeu. Si elle avait eu un social puissant, elle est invirable. Elle a tellement fait pour son équipe. Pourtant, on a vu des divisions de partout. C'est ce que disait un gagnant de Survivor, donc je dirais pas plus, qui disait que le jeu, ça reposait surtout sur la perception que les gens ont de toi et ce que tu leur donnes pour qu'ils aient une perception de toi, en fait. Dans le cas de Maxime et de Béatrice, ils ne savent pas faire. Après, on peut y voir une intelligence aussi de ne pas rentrer sur ce terrain s'ils ne savent pas le jouer. Ça ne suffisait pas. Ce qu'ils ont fait ne suffisait pas. Et d'ailleurs, tiens, ça aussi, oui, petit aparté, Denis Brognard prend quand même parti lors des explications après le vote sur la dynamique du conseil et du vote. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un animateur pose des questions et soit aussi dans le détail vis-à-vis des candidats? Ça me dérange pas. Nasma qui dit que Denis a toujours interféré. C'est Denis, il adore faire ça. Ça fait partie du truc, quand même. Il le fait là, comme il l'a fait à d'autres moments, pour d'autres raisons, en fonction de son humeur. Il a eu envie de dire des choses, donc il l'a fait. On va passer à la prochaine rubrique, c'est qui est, selon vous, le meilleur joueur de l'épisode. Cette semaine, qui, selon vous, serait le meilleur joueur, ou la meilleure joueuse, hein, de l'épisode? C'est dur à départager. Hein. C'est hyper dur à départager entre Cindy et Cyril. Et j'ai envie de mettre, bon, il est pas au niveau des deux autres, mais un qui a correctement joué dans cet épisode, je trouve que c'est Brice. Pareil. Brice qui était allé essayer de faire des petites alliances avec les jaunes et qui avait aussi l'idée de se dire, voilà, c'est peut-être le timing pour essayer de sortir un jaune et de faire les choses correctement. Entre Cindy, allez, je vais dire Cindy quand même parce que, du coup, c'est quelqu'un qui sait jouer sur ses qualités et non pas combler ses défauts. Voilà. Après, on oublie un peu Angélique, hein. Elle a essayé de bousculer un peu les équipes. Elle voulait créer de nouvelles alliances. Pour moi, c'est les trois perdants de cet épisode. Enfin, ah, avec oui. Béatrice, évidemment, mais parmi les candidats qui restent, les trois perdants, pour moi, c'est Angélique, Aurélien et Nicolas, parce que ils se retrouvent complètement isolés, ils ont voulu tenter un move dans leur coin, et ça va être très très difficile pour eux. La chute a été un petit peu dure. Je pense que c'est Brice, moi, au final, le meilleur joueur, parce que certes, Cindy a pris les devants, a tiré les ficelles, mais au final, elle se met aussi en avant, et ça peut se retourner contre elle, alors que Brice, et c'est un peu dans l'historique de Koh-Lanta, en général, c'est que la personne qui est deuxième ou troisième dans la hiérarchie des joueurs mieux placés, va régulièrement au bout. Et je pense que Brice est très bien positionné parce que c'est pas lui qui a été sous le feu des critiques au dernier épisode. C'est pas lui qui va ramasser les pots cassés après. C'est pas lui qui est dans les nouvelles cibles maintenant. Et c'est pas le genre de candidat qui risque de se prendre une élimination surprise dans les 2-3 prochains épisodes, quoi. Donc s'il continue à avancer comme ça, lui est vraiment très bien placé pour aller loin. Cindy a été excellente, elle a été exceptionnelle, vraiment, elle a eu un jeu vraiment exceptionnel. Mais Cyril, ce qu'il a fait, c'est hors catégorie. C'est hors catégorie vis-à-vis de sa position, vis-à-vis de la manière de jouer sa position, vis-à-vis du fait de ne pas avoir abandonné alors qu'il était complètement dans une position impossible. Et au-delà de ça, pas seulement de ne pas avoir abandonné, mais d'avoir joué comme quelqu'un qui est dans la conquête. Dans la conquête subtile, c'est une prouesse au niveau de la psychologie, c'est une prouesse qu'il a fait. Attends, moi j'ai envie de revenir sur chaque candidat qui reste encore en lice. Vrai leader des jaunes quand même, enfin au-delà de Béatrice, pour moi c'était Steve, parce que Steve c'est un petit peu le patriarche. On a vu aussi que Steve, il pouvait être un petit peu fourbasse, on l'a vu notamment avec Béatrice. Il a pris l'élimination de Béatrice avec philosophie, il a dit bon bah c'est aussi le jeu après tout, voilà, pourquoi pas. Béatrice en plus lui a donné le vote noir et un collier. À la vue de tous, certes tout le monde sait qu'il a un collier, mais c'est toujours sympa d'avoir ça. Ça prouve qu'il joue bien le jeu, qu'il a joué du moins son jeu. Est-ce qu'il va arriver à tenir son jeu au vu des événements? Ça, nous verrons après, peut-être. Je pense que ça va quand même être compliqué pour lui parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Il faut voir sur la durée, il faut voir justement comment il va s'adapter. C'est tout l'intérêt de ce qu'on a vu jusqu'ici. Pour Steve, en une phrase, c'est le leader naturel des jeunes. Il a un charisme naturel. Il a la capacité de se tisser des liens. En fait, s'il n'y avait pas eu l'histoire des chefs, ça aurait été Steve, le chef. Juste pour revenir au collier, c'est un peu un cadeau empoisonné parce que ça lui met toutes les cibles sur le dos. Du coup, je ne sais pas si c'est un avantage pour lui d'avoir reçu le collier de Béatrice. Ça dépend s'il le joue vite ou pas, en fait. Le mieux pour lui, c'est vrai que le collier tombe assez vite pour qu'il se fasse oublier. Parce que s'il le garde longtemps, on va se souvenir qu'il a ce collier et du coup, ça va faire un obstacle pour créer des liens avec lui. Bah, je voulais partir sur Angélique, moi j'allais faire tous les candidats. Hein. Elle était planquée avant, elle s'est ostracisée de son équipe originale avec Aurélien. Donc voilà, j'avais du surbic. C'est comme Jérémy et Yesta chez les jaunes, sauf que c'est quand même sensiblement différent parce qu'ils parlent quand même d'une grosse alliance où tout le monde est plus ou moins ensemble. Et ils se sont plus ou moins ostracisés d'eux-mêmes sans le faire réellement, mais les autres l'ont quand même perçu. Enfin, c'est compliqué, elle est dans une situation très compliquée. En plus, elle a vu son plan échouer, qu'on voit justement les niveaux, les différences de niveaux stratégiques. Et c'est là où l'intérêt, où tout le monde joue. Qu'Angélique, moi, je la vois pas vraiment aller loin. Enfin, ça va être compliqué pour elle, en tout cas, de se hisser jusqu'au bout quand on a tant d'ennemis qui vont te tomber dessus. Après, bon gré mal gré, peut-être qu'ils vont y passer outre ça. Mais ça me semble quand même mal barré pour elle. Hein. Angélique et Aurélien, maintenant, c'est un peu seul contre tous, parce qu'ils ont trahi leur ancien camarade et n'ont pas su s'allier avec les autres. Justement, j'allais dire la même chose sur les jaunes. Les jaunes, ils sont séparés. Il n'y a plus d'équipe jaune. Comme il n'y a plus d'équipe jaune, je pense qu'au final, ils ont leur chance. Elle est un peu toute seule avec Aurélien. On a oublié l'équipe jaune, quoi. Donc, Angélique, elle souffre d'un manque de social. Elle a une intelligence stratégique, mais elle a un manque de social. Ça, c'est des excellents joueurs à la fois stratégiques et sociaux. Elle va avoir du mal, mais pour moi, c'est pas mort pour elle quand même. Elle reste très intelligente malgré tout. Je la condamne pas tout de suite. Je pense qu'elle a sa chance. Pareil, en ce qui concerne Angélique, la grande perdante un peu de cet épisode. Dans son alliance, Aurélien est mieux placé parce que plus discret. Angélique peut encore se refaire, elle peut encore rebondir. Si elle met de l'eau dans son vin et qu'elle travaille un petit peu les gens socialement, en prenant exemple sur Cyril par exemple, ou en développant son propre jeu social à elle, elle peut encore s'en tirer. Rien n'est perdu pour elle. Angélique, dans le creux de la vague pour l'instant, mais à surveiller quand même. Après Aurélien, j'ai pas grand-chose à dire sur lui, je le trouve assez fade. Il est très discret. Aurélien, c'est une extension d'Angélique, planqué chez les jaunes, suiveur d'Angélique, son destin est désormais lié à elle, voilà ce que j'avais mis en note. Clairement, les deux sont liés. Après, peut-être qu'Angélique va réussir à survivre, mais moi, je la vois quand même avec pas mal d'ennemis sur la gueule, ça va quand même être compliqué. Après, c'est possible de renouer des liens, mais c'est quand même compliqué, enfin... Après, c'est un peu comme Cyril et Maud, hein. Cyril et Maud, c'est aussi un bloc, hein. Par contre, eux, étant donné qu'ils sont en minorité, vraiment ultra Cyril minoritaire. a été capable de faire oublier qu'il était un bloc pour moi. Il a vraiment Ouais, été voilà, capable c'est ça. de C'est pas tisser faux, des ouais. liens C'est pas faux. personnels avec chaque personne. Alors que ici, dans cet épisode, d'ailleurs, on peut parler de Maud. Maud a s'est fait plus discrète, mais on voit qu'ils marchent ensemble. Tous les deux, ils marchent intelligemment ensemble, mais ils ont réussi à se séparer, à parler à des personnes différentes. On a vu Maud parler un peu plus à Maxime, que c'est intéressant. Ils ont réussi à se faire oublier dans leur lien. On oublie que c'est deux personnes ensemble de la même équipe d'avant. Maud, tout le monde dit qu'elle parle énormément, mais au final, elle a réussi à avoir une certaine discrétion. Maud, beaucoup la voit comme subordonnée à Cyril. Je pense pas qu'elle soit tant que ça subordonnée à Cyril. Là, elle a vu que Cyril était meilleur qu'elle pour gérer cette situation, mais je la vois totalement capable de sortir un très bon jeu stratégique si elle se retrouve dans une situation où elle est vraiment seule et qu'elle n'a pas le choix. Là, elle a su voir que Cyril avait le pouvoir sur la situation et lui laissait totalement carte blanche, et c'était intelligent de sa part. C'est une preuve d'intelligence stratégique de la part de Maud, de ne pas s'immiscer là où elle ne peut pas le faire. D'autant que Maud, c'est vraiment une joueuse très très intéressante, stratégiquement parlant et humainement parlant. On voit que Maud allie très bien les deux, avec une certaine maestria, si j'ose dire, puisque, par exemple, elle avait laissé l'opportunité à Xavier de se refaire. Donc elle est toujours en mode en laissant les opportunités aux gens. Ça prouve aussi de la qualité de son jeu, la qualité de son social, malgré le fait effectivement qu'il lui aurait été reproché qu'elle parle trop, peut-être. Les deux sont de très bons joueurs et les deux jouent leur jeu de manière optimale. Après, c'est clair qu'au niveau du montage, dans cet épisode-là, Maud, elle a été un peu plus laissée sur le côté, mais c'est parce que c'est aussi voilà, c'est une stratégie qu'ont eu les deux, la stratégie de se séparer pour justement couvrir l'ensemble du jeu. Maud, elle parle aux gens avec qui elle doit parler. Donc, on la voit pas très loin d'Angélique. Voilà, il se trouve qu'Angélique, elle n'a pas un super social. On la trouve pas très loin d'elle, voilà. Maud peut lui parler tranquillement. Cyril, il couvre aussi bien le jeu, il couvre les Cindy, il couvre les Sophie, etc., etc. Donc les deux, c'est vraiment un duo. Alors est-ce que l'un peut survivre sans l'autre à ce niveau-là? Oui, je pense que Cyril aurait pu survivre sans Maud. Est-ce que l'inverse est vrai? Je sais pas. Pour moi d'ailleurs, c'est le meilleur joueur du jeu. Enfin, j'ai même pas envie d'argumenter tellement son jeu, je veux dire, éclate. Il Oui. éclate de partout son jeu. Oui. Il se balade, il est. C'est un mec normalement qui devrait se pisser dessus et le mec il se balade tranquille. En plus, il se permet même de dire arrêtez les mecs de vous plaindre pour la bouffe et tout. Ah, c'est te dire le niveau social du mec. Cyril est le meilleur joueur actuel. Les autres sont bons. Cindy est excellente. Mais Cyril est le meilleur joueur. Ça, c'est clair et net. Admettons qu'il gagne, pour moi, ce serait clairement le meilleur gagnant qu'on ait jamais eu dans Koh-Lanta. Tout le monde, personne ne le calcule et ça en devient une force parce qu'il reçoit toutes les informations et qu'après il sait parfaitement où manœuvrer, où aller et si jamais ça l'envoie tout au bout de l'aventure. J'ai jamais vu quelqu'un gagner en n'ayant aucun ennemi dans le jury, en ayant eu un début d'aventure complètement catastrophique parce que voilà, quatre conseils, généralement t'es condamné à partir après même si tu as la chance de faire la réunification. Et en plus, il aurait pu sauter à la place d'Alexandre la semaine dernière. Clairement, si Cyril arrive vraiment au bout, ce sera l'un des meilleurs. Du coup, je voulais vous proposer de parler de deux profils, Chloé et Sophie, qu'on a vus pour la première fois jouer dans cet épisode. Chloé pouvait se servir de l'organe qui était dans sa tête et à se rendre compte qu'elle peut faire des choses, en fait. Elle peut avancer. Dans le cas de Sophie, on a le cas d'une personne qui a toujours été dans l'ombre de Béatrice, qui a toujours été au cœur et qui perd le candidat qui était sa référence. Tout son jeu dépendait de Béatrice. Ces deux personnes qu'on n'attendait pas du tout, qu'on n'attendait pas du tout de voir réfléchir et qu'on a vu d'un seul coup se réveiller au niveau stratégique. Tout le monde a joué, on les voyait pas venir. Ils ont tous eu une pensée vis-à-vis du vote. Je trouve que c'est un cas super intéressant de candidats qu'on ne voit jamais jouer d'habitude, qui sont des moutons du début à la fin et que d'un seul coup, on les voit se réveiller. Je vais prendre l'exemple de Chloé, je crois que c'était Damien qui l'avait contacté, je crois, sur Insta ou sur Twitter, où elle avait déclaré qu'elle ne s'était pas du tout préparée stratégiquement pour l'émission, qu'elle était, elle est arrivée là ben, en touriste. Et l'épisode de vendredi va un peu en contradiction avec sa préparation, c'est-à-dire qu'elle est arrivée sans rien et que là, bizarrement, elle a commencé un peu à réfléchir. Et ça m'a rappelé un peu Pascal dans Thaïlande, qui avait déclaré quand j'avais contacté sur Twitter, il m'avait dit qu'il était arrivé sur Thaïlande avec aucune appréhension, aucun jeu en tête, et que ça a tilté chez lui très rapidement, et après il est devenu le candidat qu'il est devenu, quoi. Concernant Klo, c'est clair que Klo, pour moi, c'était... Que j'attendais absolument rien de Klo. Pour moi, elle avait vraiment une tête à baffer, etc., etc. Putain, quand j'ai vu dans l'épisode Klo qui est en mode avec Cindy, en train de parler avec Cindy, de stratégie et tout, et je me dis, putain, mais ça dure depuis combien de temps, cette histoire avec Cindy? Parce qu'on n'a rien vu, finalement, chez les Bleus. Et en fait, on se rend compte que Cindy... elle a développé une relation avec Klo, alors que Cindy, elle était en bas de l'échelle. Enfin, c'est incroyable. Et Klo qui répond positivement à ce genre de truc. Pourtant, Klo, c'est pas le profil habituel qui va répondre positif à la stratégie. Enfin, à la stratégie, du moins, au fait de jouer. C'est le genre de mecs qui vont être « Ah non, faut pas. » Et là, on l'entend dire « Ouais, Maxime, il commence à me péter les couilles. » Tu vois, enfin, des trucs, oui. Tu te dis « Mais c'est pas possible. » Klo, enfin, un profil type Klo, qui va dire ce genre de truc. Et puis évidemment, bah Sophie qui est là en mode « Ouais, faut pas croire que je suis teubé, je réfléchis quand même, etc. etc. » Moi aussi, j'ai envie de jouer. Enfin, tu vois, c'est ce qu'elle dit à Cyril. Elle lui dit « Mais moi, j'ai envie de jouer. J'ai aussi envie de jouer pour moi. J'ai pas envie de jouer pour les autres, etc. etc. » Donc, c'est ce que je disais au début de l'épisode. C'est vraiment une prise de conscience de jeu, en fait. Une prise de conscience de jeu de la part aussi bien de la production que des candidats. Donc, tu as... les mecs, ils veulent pas se laisser mourir. Alors après, ils vont le faire avec plus ou moins de talent. Ça, c'est un autre problème. On parlait de Cyril. Cyril, c'est clair que c'est le meilleur joueur. Même s'il gagne pas, pour moi, il restera le meilleur joueur. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure de l'aventure, des choses peuvent se passer. Et c'est bien normal, ça fait partie du jeu. Et si tout le monde joue, mais tant mieux. C'est ce qu'on attend. On attend que tout le monde joue le jeu. Et c'est ce que les gens sont en train de faire. Et y compris aussi des gens comme moi, j'ai envie de revenir sur Mohamed. Mohamed qui est face à un cas de conscience, qui est là. Ouais, mais j'ai un peu plus ou moins donné ma parole à Béatrice via Maxime. Et là, vous êtes en train de me dire que je dois voter contre elle. Enfin, je le comprends aussi parce que imaginez-vous, quelqu'un vous dit on va voter sur telle personne et tout. Et puis finalement, on change la personne. Donc je vais me dire dans ma tête, je vais me dire est-ce que je peux avoir confiance en cette personne-là qui change son vote ? Parce que ça fait peur. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Ça fait peur, parce que moi, j'ai lu des choses sur Mohamed qui était là. Oui, il est un peu inutile et tout, mais c'est pas qu'il est inutile, c'est que le mec, faut aussi se mettre à sa place. Le mec, on lui dit, on vote un tel, puis finalement, le vote change. On dit finalement, on vote un tel autre. Donc, dans sa tête, ça doit dire, putain, est-ce que je peux bien leur faire confiance? Et comment moi, je vais me situer vis-à-vis de mon vote contre Béatrice? Il se trouve qu'il a, il a un cas de conscience, mais qu'en fait, il vote quand même pour Béatrice parce qu'il voit son intérêt. Et être stratège, c'est voir son intérêt. Ultimement, être stratège, certes, c'est faire des plans, etc., etc., mais c'est aussi voir son intérêt. Combien de fois on a vu dans Koh-Lanta des mecs qui ne voyaient pas leur intérêt? Ouais. Un paquet de fois. Là, dans cette saison, tout le monde, pour moi, voit son intérêt. Et ben ça, c'est une première dans Koh-Lanta aussi. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord. Bah, Massalia donne un exemple avec Alban et Jérémy. Quand Jérémy propose une alliance et que Alban rechigne un petit peu, c'est un très bon exemple du fait que auparavant les gens ne regardaient pas leur intérêt premier et que là ils commencent un peu à s'imposer et à réfléchir là-dessus. Et c'est aussi ça qui fait un bon casting et une très bonne saison de Koh-Lanta. Dans le cas de Mohamed et dans le cas de Maxime, ça a été la même chose. Les deux n'étaient pas contents. Les deux, ça ne leur plaisait pas que les choses tournent de cette façon-là. Mais dans les deux cas, ils ont eu l'intelligence de suivre malgré tout. Parce qu'ils savaient que c'était leur intérêt, et ça, c'est vraiment inédit. Du coup, on peut parler de Nicolas. Nicolas, quoi. C'est le candidat émotionnel au possible qui fait des choses complètement basées sur son envie du moment. Et moi, je le trouve très drôle. Il est très drôle. Il a pris en grippe Angélique. Au lieu de favoriser les chances de son équipe de s'en sortir et d'aller au bout du livre, il est resté sur Angélique. Il en voulait à Angélique, qu'il la déteste maintenant définitivement, que c'est son ennemi juré, et il va chercher à la faire virer du début à la fin. C'est, je trouve ça assez drôle. C'est assez drôle de voir ça. C'est assez drôle de voir ce type de profil. Donc, c'est Nicolas, il est comme ça. Là, il déteste Angélique, il dit, on le voit, il se dit, c'est mon ennemi juré, ça va peut-être être sa meilleure amie le lendemain, on sait pas. C'est ce qui est drôle chez lui. J'aime bien le fait qu'il y ait des personnages complètement à l'ouest comme lui. Ce qui est marrant avec Nicolas, c'est qu'on a l'impression qu'il est tout le temps en danger au conseil, mais au final, il sort jamais. Genre, à chaque fois qu'il a été un conseil, il était cité parmi les gens éliminés, puis au final, il s'en sort. Et j'ai l'impression qu'il va aller loin comme ça, et au final, il va se faire éliminer à la fin, mais genre, j'ai l'impression qu'il va aller loin comme ça. Est-ce que ce serait pas justement la naissance pour la première fois, d'une première chèvre, une goat, hein, comme on dit aux States, qui irait au bout, parce que on sait qu'on gagnerait contre lui? Est-ce que non, ce serait peut-être pas le premier candidat qui correspondrait à cette définition-là et qui irait en finale en tant que tel, en tant que chèvre, du coup? Parce que Nicolas est un personnage quand C'est même. possible. Pour moi, il y a une possibilité, enfin, il y a une possibilité, je dis pas qu'il y a forte, j'allais dire forte, mais non. Il y a une possibilité, effectivement, d'autant qu'il ne faut pas oublier que Nicolas est quand même fort dans les épreuves. Des mecs qui sont un petit peu moins forts peuvent dire, bah tiens, Nicolas, je peux m'allier avec lui plus ou moins, du moins développer mon social avec lui. Et ce mec-là, s'il se retrouve au poteau et qu'il gagne les poteaux, le manipuler pour qu'il me prenne. Et effectivement, Nicolas, enfin, avec ce qu'on voit de lui au montage, il a aucune chance de gagner. Ou alors, à moins que le mec qui soit à côté de lui soit vraiment la pire enflure de chez enflure, mais sinon, on ne voit pas Nicolas gagner. Et comme Nicolas est fort, dans les épreuves, c'est une possibilité. Moi, je me suis aussi posé la question, c'est une possibilité. Moi, je mets une réserve parce que Nicolas, quand même, faut le gérer. Faut le gérer, faut le gérer, c'est sûr. Si un truc qui lui plaît pas, d'un seul coup, il va vouloir faire autre chose. Tu lui dis de voter un truc, ah bah non, il a pas envie, donc il va faire autre chose. Oui, c'est sûr. Faut le supporter. Faut le C'est supporter. compliqué. Voilà. Les autres ne le virent pas pour ça. Moi, je pense sincèrement que les autres ne le virent pas parce qu'ils se disent, oui, mais Nicolas, tu peux quand même le garder. Il va pas non plus nous trahir directement. Je parle pas d'Angélique et d'Aurélien. Pour moi, c'est une erreur totale de penser virer Nicolas. C'est complètement Ah bah absurde ça de c'est penser clair, virer Nicolas. c'est clair, C'est c'est clair. absurde. Surtout à ce stade du jeu, Ah surtout à ce oui, non, mais stade je suis du tout à fait jeu. d'accord. Bien, eh ben, je pense qu'on a fait le tour des candidats. On va passer maintenant au petit jeu de la saison. C'est donc le crescendo. Damien, lance le générique, s'il te plaît. Donc Damien, est-ce que tu veux Je alors? dirais Sophie, parce que Sophie, je me dis qu'elle est dans le cercle rapproché de Béatrice, et que dans Koh-Lanta, c'est vrai qu'il y a toujours une chance que l'on continue un petit peu dans la direction qu'a été prise le dernier épisode. Ensuite, je mettrais Angélique, pour la même raison, sauf qu'elle est encore plus isolée. Et ensuite, je mettrais bien une petite pièce sur Maxime, parce que Maxime, alors ok, il a eu un montage un peu plus favorable sur cet épisode, avec notamment ses deux victoires sur les épreuves, mais justement, je pense que ça ne fera qu'agrandir encore sa cible. Il y a un moment comme ça où les jaunes, plus certains bleus, vont attendre justement le bon timing et le bon moment pour le virer, et peut-être, qui sait, que ce sera au prochain épisode. Donc, je dirais Sophie, Angélique et Maxime. Très bien. Paul. Alors, en numéro 1, j'ai mis Maxime. Comme d'hab, à chaque fois, je mets Maxime en numéro 1. Parce que depuis le début, c'est les chefs, hein, les anciens chefs qui sont éliminés. Du coup, c'est possible qu'ils restent sur la même mentalité. Après, Maxime, il est très fort dans les épreuves, ce qui peut être un danger aux yeux de certains. Et aussi, en tant qu'ancien chef, il a un peu le contrôle sur l'équipe, ce qui peut engendrer une sorte de révolution. Après, en numéro 2, je mets Sophie. Donc Sophie, elle est un peu dans le clan de Béatrice, donc elle peut subir un peu pour les mêmes raisons que Béatrice une élimination. Et en dernière position, en troisième position, je mets Nicolas parce qu'il est un peu à l'ouest et son comportement un peu bizarre peut lui coûter une place. Et donc c'est pour ça que je le mets en troisième position. Alors, pour ma part, ce sera Angélique en 1, Aurélien en 2, Maxime en 3. Angélique et Aurélien, parce que c'est le duo maintenant qui est sous le feu des projecteurs. Et comme a dit Griffiths, il y en aura forcément un qui va se faire éliminer, au moins l'un des deux, très rapidement. Et je laisse Maxime en 3, parce que Maxime, ça reste aussi un fusible maintenant. C'est le grand perdant de l'épisode selon moi. Et il va passer de maître du jeu, on va dire, à fusible. Pas tout simplement parce que sa personnalité lui empêchera de continuer à avoir du contrôle sur le jeu. Un petit point sur les épreuves. Ouais, Donc vas-y. encore une épreuve de Survivor qui a été adaptée en France. Celle-là, je l'attendais depuis un moment parce qu'on la voit la première fois dans la saison 28 Survivor Cagayan. C'était l'épreuve qu'ils appelaient le Triangle des Bermudes. Et justement, enfin, c'est Soweto qui nous l'avait trouvé Ouais. et Space Babies qu'on salue qui nous en a gentiment parlé dans son débrief vendredi soir. Donc voilà, encore une épreuve adaptée avec succès en France et le parcours du combattant qui est un classique que je enfin perso, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je m'en lasse pas le parcours des combattants, c'est une bonne épreuve, ça fait Ouais, c'est toujours du très bien, c'est vrai complet. que c'est une C'est la première fois que j'aime bien les épreuves depuis longtemps, Ouais, je trouve. Et vraiment, elles sont intéressantes. Elles sont intéressantes. Ils font leur propre truc, en fait. Ils font leur propre truc, et ça, c'est plutôt bien vu, mais c'est le cas, de toute façon, de cette saison globale, où vraiment, puisque les épreuves, la production fait les épreuves, quoi. Donc, tout ça, ça va dans une dynamique vraiment qui est axée sur le jeu, sur soi-même, en fait. C'est une réflexion, enfin, ça permet une réflexion sur soi, du moins quand tu joues au jeu. Ils sont sortis de leur ronron quotidien et ils font leur truc. Ils font leur truc à eux. En fait, ils font leur truc à eux et ça donne ce qu'on a vu, en fait. Ça veut dire qu'ils gardent l'esprit initial de Koh-Lanta, mais ils l'amènent ailleurs. Damien, Griffith, Paul, je vous remercie pour ce podcast. Bah, merci à toi. Vraiment, merci à vous. Vraiment. Merci tout le monde. Vraiment, vent pertinent avec énormément d'idées qui ont été partagées. Je vous dis à dimanche prochain, 14h, pour l'analyse de l'épisode 9 de Koh-Lanta, la guerre des chefs sur Autour du Feu. C'était Plancaster. Salut!